Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Après la semaine dernière, on était parti en Hollande écouter un peu de synthwave. On va revenir, ou plutôt rester, dans le nord de l'Europe avec une émission sur un peu sur la Neue Deutsche Welle, cette nouvelle vague allemande très new wave qui a commencé donc à la fin des années 70 et continue au début des années 80. Et le fil rouge cette semaine, ça va être un magnifique album des Nichts. Ça s'écrit Nichts, ça veut dire les riens. Et on va retrouver plein d'autres groupes de l'époque, donc les Swell Maps, Ideal, Dira Dira, et même le Grauzone qui vient de ressortir en vinyle il y a quelques temps. C'est donc parti pour plus 2 heures en allemand. Pour ceux qui sont allergiques, eh bien c'est dommage. Et sinon, pour les autres, vous allez vous éclater avec ces vieilleries un peu surannées. C'est parti! Thank you. sa famille et la nation Sauken et Fox, sa mort d'une crise cardiaque à 65 ans en 1953, aurait été l'occasion d'un retour aux sources et d'une rédemption. Son fils Bill, décédé à l'âge de 90 ans en juillet 2019, avait raconté à Sports Illustrated tous les espoirs qu'il fondait sur des funérailles traditionnelles, censées épargner l'errance à son esprit. Mais Patsy, ce 28 mars 1953, arriva en pleine cérémonie, accompagné de deux policiers et de témoins cravatés pour emporter le cercueil. La veuve a toujours juré qu'elle ne voulait que lui offrir une sépulture digne de son histoire. Cherchait-elle à assurer ses vieux jours en monnayant sa dépouille ? Carlisle, devenu un institut militaire, ne pouvait accueillir un civil. Canton, la mecque du football du Midwest, n'en voulait pas non plus. L'université de Pennsylvanie a décliné les offres exagérées de Patsy, non sans lui indiquer une autre option, à une heure de route de Philadelphie, deux villages, Mauchunk et East Mauchunk, ruinés par l'épuisement de la veine de charbon du mont Poconos voisin, avaient organisé une collecte parmi leurs administrés pour assurer la promotion des patelins et attirer les investisseurs. Les deux bourgs, l'un allemand calviniste, l'autre irlandais et catholique, en bisbille depuis des décennies, ont tant flairé l'aubaine qu'ils ont proposé à Patsy et son manager de rassembler les deux municipalités en une seule, nommée Jim Thorpe. Le contrat avec la veuve est à ce jour encore secret. Und sagst, das muss ich verstehen. Die monogamen Zeiten sind vorbei. Die Moral von gestern, die macht mich schizophren. Heute ist man sexuell frei. Doch jedes Mal, wenn ich mich frei mach und ich komm nachts nicht nach Haus, ha, wenn ich von deinen Theorien Gebrauch mach, dann rastest du restlos aus. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Heute liebst du mich total und morgen kannst du mich nicht sehen. Und übermorgen ist es dir egal. Deine Wahnsinnslaunen, die kann kein Mensch verstehen. Mal weiche Welle, mal brutal. Was denkst du denn, was ich so mitmach? Von deiner Ignoranz, hm? Was denkst du denn, was ich so aushalt? Von deinem Affentanz. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Und du hältst dich bei mir aus, dann packt dich wieder Euphorie. Mal bist du aggressiv und du schmeißt mich einfach raus am nächsten Tag Melancholie. Nur wenn es mir mal schlecht geht, dann machst du es dir bequem. Wenn ich nicht mehr durchblick, dann ist es mein Problem. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich irre. Irre. Irre. Irre. Irre. Irre. Irre. Box mit Salat. Ich esse Cowboys nur mit Reis. Und ich trink Spülmittel zum Eis. Ich will mich vergiften. Ich esse Lego. Ich esse Lego. search for new angles. 1980. Squares and triangles. 1980. 1980. Mais le mausolée du champion ne recèle aucune magie. Le musée du football que les Torpians espéraient voir pousser près du mémorial n'a jamais vu le jour. L'hôpital Jim Thorpe, tant attendu, non plus. Les investisseurs se sont fait excuser. Dans les années 90 encore, au fond de la déchéance, quand on pouvait acheter pour 400$ les maisons victoriennes des hauteurs ou les belles bâtisses de briques de downtown, toutes les blagues des locaux s'achevaient par un éternel « et tout ce qui nous reste, c'est un Indien mort ». Des gens s'arrêtent devant sa tombe, jure David Drury, patron de l'hôtel antique The Inn at Jim Thorpe. Avant de concéder qu'il tire meilleur profit des amateurs de fantômes qui louent ses chambres prétendument hantées. Si Jim Thorpe en 20 ans s'est métamorphosé en destination touristique, c'est avant tout dû au retour au vert des Américains. L'été, les randonnées, le rafting dans ces monts précurseurs des sauvages Appalaches, et l'automne, la féerie rouge et jaune du festival des feuillages, déclenche l'invasion du peuple à casquette des petites villes de l'État. Hey, taxi! Hallo? Sind Sie noch frei? Na klar. Ich möchte nach Hause. Es ist schon halb drei. Darf ich rauchen? Aber bitte. Oh Gott, ist mir heiß. Ich war in der Disco, auf dem Weg getanzt. Die Schuhe sind ausgefranst. Ich fahr Taxi. Ich fahr Taxi. Als ob ich so mies, doch ich brauch den Kies. Ich fahr Taxi, ich fahr Taxi, Tag und Nacht. Als ob ich so mies, doch ich brauch den Kies. Kies, Kies, Kies. Wozu? Er fand sich schon lang. Ja. Draußen Regen. Hey, mach doch mal Musik an. Die Leute in der Disco. Alle holen sich stumm. Die Frauen zu sexy. Die Jungs zu dumm. Ich fahr Taxi. Ich fahr Taxi. Tag und Nacht. So eine Frau wie die war ich so gut wie nie. Ich fahr Taxi. Ich fahr Taxi Tag und Nacht. So eine Frau wie die war ich so gut wie nie. Haha, nie? Nee. Wow. Für Taxi, sie fuhr mit und sie seien die Endziffer 3. Jawohl, und der Titel Taxi. Musik. Als Bären Le mausolée de Jim Thorpe, lui, se morfond à l'autre entrée du village, dénué de toute attraction. Et c'est mieux comme ça, tranche Daniel Hugos, propriétaire du super Mokchunk Opera House. Cherchez bien, vous ne trouverez pas un t-shirt, pas une tasse à café à l'effigie de Jim Thorpe, pas une preuve d'exploitation de sa mémoire. Ce gars a fait notre ville et crée son unité. Seite Supermarkt. Rechte Seite am Spielplatz. In der Mitte Autobahn. l'office de tourisme, d'où partent les petits trains, John Thorpe s'affaire derrière le guichet d'information. Le petit-fils du champion et diva, sa première épouse, ne s'étend pas sur les pérégrinations qui l'ont ramené ici récemment du Nevada via la Floride. Ma branche de la famille était favorable à son enterrement ici, confie-t-il. Les autres, dont une bonne partie des Sock and Fox, ne veut plus entendre parler de moi. John a pourtant des arguments. Il raconte une vision qu'il a eue 5 ans plus tôt lors des cérémonies d'été de la Sundance dans une tribu de Floride. Dans la vapeur d'un sauna rituel, il a vu apparaître Jim Thorpe. Il m'a dit que tout allait bien, raconte-t-il, qu'il est chez lui ici. Thank you. Wartezeit. Kommst du bald, ich bin bereit. Warte schon so lang auf dich. Wo bist du, vergisst du mich? Viele Briefe, Seiten lang. Ungeduldig ruf dich an. Warte, dass du reagierst. Zeit vergeht, nichts passiert. Es ist so lange her, seit unserem letzten Mal. Ich bin ganz wild nach dir. Was ist nur los mit dir? Du hast mich wohl vergessen. Was ist los mit dir? Hast mich total vergessen. Was ist los mit dir? Mich hast du wohl vergessen. Sag mal, was ist los mit dir? Warum hast du mich vergessen? Tolle Tage, wir zu zweit. Hoffnungslos gab dir es heute. Denk an die Zeit zurück. Jedes Mal, ich werd verrückt. So enttäuscht bin es leid. Nichts mehr hilft, vergess dich bald. Tausendmal hab ich's versucht. Nichts geschah, hab dich verflucht. Es ist so lange her, seit ich dich damals sah. Ich war ganz wild nach dir. Was ist nur los mit dir? Du hast mich wohl vergessen. Was ist los mit dir? Hast mich total vergessen. Was ist los mit dir? Mich hast du wohl vergessen. Sag mal, was ist los mit dir? Salut, je propose solennellement qu'une délégation des Nations Unies soit envoyée aux États-Unis d'Amérique pour s'assurer que le processus démocratique appelé vote y est respecté en accord avec les pratiques courantes dans le reste du monde. Cette délégation devra être protégée par une troupe pacifiante armée étant donné la culture belliqueuse de la contrée en question. Au cas où les règles élémentaires du fonctionnement démocratique ne soient pas respectées, il conviendrait de nommer un administrateur temporaire pour gérer les affaires courantes. Nimm ein Babys und wie, lass ihn mich völlig kalt. Und die ganze Künstlerszene hält mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grille von Soßen, 50, 60, alles wohl und uns gemein. Und auf Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Ist deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen machen mich so sentimental. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Musik. Inside a Feed Now schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Bei Sex and Rocks and Rock'n'Roll ist das Maß an Stumpfheit voll. Ich bleib kühl, kein Gefühl, kein Gefühl. Der ganze Hassel und die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Nur der Scheich ist wirklich reich. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr. Weißt du noch, vor all den Jahren, weißt du noch, die schönen Menschen. Bonjour, aujourd'hui je ne fais pas les courses, vous m'en excuserez bien volontiers. Je réponds à mon courrier, ne m'écrivez pas. En écoutant Let It Be de Leibar, paraît-il que Burgala joue dedans. Lu dans Crash, qui est un très bon magazine dont la maquette me fait penser à celle de Best, ou pire, Extra. Très belle maquette donc. En écoutant le premier album de Cheap Trick, plusieurs fois de suite, et je dis, Steve Albini adore Cheap Trick, moi aussi. Amitié. Du machst Mädchen. Quand il n'est pas contraint par des enrôlements violents, le désir de faire des choses est, par soi, un désir de les faire bien. Et même du mieux qu'on peut, car, les faisant pour soi, on y met tout de soi. Pour certaines choses, les faire bien, c'est ipso facto les faire belles. Voilà le commencement du luxe. On aperçoit peut-être déjà ce dont il va s'agir ici avec le mot « luxe ». Et surtout, ce dont il ne s'agira pas. Ni les bidets en or massif des enrichis du néolibéralisme, ni, de toute façon, l'amoncellement des objets pour des raisons qu'on a assez dites. La pure logique de la quantité, qui est celle de la valeur capitaliste, en plus d'exploiter les hommes, dévaste la planète. Was dich berührt hat, berührt dich nicht mehr. Die du geliebt hast, gibt es nicht mehr. Was du gefragt hast, fragst du nicht mehr. Wo du gelebt hast, gehst du nicht mehr. Was du erkannt hast, erkennst du nicht mehr. Was du gefühlt hast, außer dir kein Leben mehr. Was war, ist vergangen. Zwei noch gefangen. Straßenhäuser, alles leer. Außer dir kein Leben mehr. Was dich berührt hat, berührt dich nicht mehr. Die du geliebt hast, gibt es nicht mehr. Was du gefragt hast, fragst du nicht mehr. Straßenhäuser, alles leer, außer dir kein Leben mehr. Was war, ist vergangen, ist frei, doch gefangen. Straßenhäuser, alles leer, außer dir kein Leben mehr. Hast, lebst du nicht mehr. nur Stacheldraht. Hier ist als wäre ich in Messiland. Nur noch Messi hier ist hier bekannt. Nur noch Messi. Ja, haha. Ich könnte nur zusammen im Ausland. Schulter, Bier, das Stacheldraht. Hier ist als wäre ich in Messiland. Nur noch Messi hier ist hier bekannt. Wir und nochmals wir. Kutscher, als wir sammeln und an jeder Ecke sind wir schon. Kein Vertrag mal jetzt schon rein. Schon als Kind in Angst vorbei. Wir sind die Angst vom Morgen. Wir sind die Angst vom Morgen. Wir sind die Angst vom Morgen. Wir sind die Angst vom Morgen. Ich und du, wir alle. Kennen wir uns an meinem Ausland. Schon als wir in der Stadt sind. Wir sind die Menschen eingeladen. Sondern mit wir, das sind wir dran. Wir. Tanzen für die Sommerunion, an jeder Elf war schon. Kutscher halt immer hier schon, schon das Kind ist alles vorbei. Wir sind die Eins vom Morgen, wir sind die Eins vom Morgen. Wir sind die Eins vom Morgen, wir sind die Eins vom Morgen. Ich und du, wir alle lieben Schultheiß. Il est extrêmement étrange, en fait même absurde, qu'on trouve le mot « communisme » embarqué dans le « Fully Automated Luxury Communism » de Aaron Bastani, sorte de prophétie technologiste à base d'imprimantes 3D, de photovoltaïques partout et de conquêtes spatiales, promettant la résolution des crises climatiques, énergétiques et l'abondance pour tous, soit à peu de choses près, le prospectus de l'imaginaire capitaliste à peine rectifié. Or non, le nombre des objets dont nous vivrons entourés, leur taux de renouvellement baisseront. Et ils le doivent. Thank you. L'idée d'un communisme luxueux consiste alors en la réfutation de ce que cette réduction signifierait un enlaidissement de notre vie matérielle. Car nous en aurons encore une. Et plus précisément, c'est la visée du maximum d'embellissement, du minimum d'objets que nous conserverons. l'esthétique des objets hors de la quantité et de la frénésie. Voilà la première différence du luxe communiste et du luxe capitaliste. La manière d'y accéder est la seconde. Contrairement à sa version capitaliste qui réserve les choses belles à l'écrémage des fortunes, le luxe peut surgir de toute autre condition que le pouvoir d'achat monétaire. La liberté pour les producteurs de faire les choses selon leur désir, qui sera le plus souvent un désir de les faire bien et belles, donc l'affranchissement de toutes les contraintes de la production capitaliste qui les font faire mal. C'est que ces contraintes expriment une cohérence globale. Le capital s'efforce toujours de rémunérer minimalement le travail. Il structure donc une demande faiblement solvabilisée, à laquelle on ne peut proposer que de la marchandise à prix suffisamment faible, donc produite dans des conditions de productivité qui les vouent à être mal faites, par des salariés maltraités et peu payés, et la boucle est bouclée. du eigentlich hier rum? Glaubst du vielleicht, das finde ich gut? Du bist so komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön? Wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir auf die Nerven gehst, seit Wochen leb ich neben dir und fühle gar nichts mehr in mir. Nur dein Geschwätz so leer und dumm, ich habe Angst, es bringt mich um. Keiner kommt raus aus diesem Haus, dieser Salon hat keine Tür. Keiner kommt raus aus diesem Haus, dieser Salon hat keine Tür. Schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht. Um dir halt endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Doch Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick. Gib mir doch endlich wieder Mut und alles würde wieder gut. Keiner kommt raus aus diesem Haus, die Welt allein hat keine Tür. Keiner kommt raus aus diesem Haus, dieser Salon hat keine Tür. Oh, dieser Salon hat keine Tür. Seule la crème des riches échappe à la boucle de la camelote. La frange où se concentre la richesse trouve alors une offre qui, au doublé mauvaise qualité, productivité des marchés de masse, substitue la formule bonne qualité, prix élevé. Le système du salaire à vie brise cette fatalité de la camelote. Il la brise par le découplage de l'activité et de la rémunération. Spaß miteinander haben hier. Wir leben auf It's Playboy Club. Tja, das ist schon immer noch auf den Beinen. Der Bärenpark der Bären hat immer noch so ein kleines Loch im Eimer. Das wohl Heidis Rache soll uns nicht weiter stören. Anmeldung zu Papa Bullis Ding Dong Show, der Show mit den wunderschönen bunten Preisen. Papier an der Theke. Noch heute haben wir hier unseren Intim-Tanz-Wettbewerb. Da wollen wir alle mitmachen. Da dürfen wir auch alle mitmachen. Und deswegen sage ich jetzt, tut den. Gehst du zu Bett? Deine Wohnung, die sieht aus wie bei Kraus, wie bei Kraus. Leere Flaschen, leere Dosen und es riecht nach alten Hosen. Keine Arbeit, keine Kohle. Deine Schuhe sind kaputt, kaputt, kaputt, die rechte Sohle. Nicht zu fressen, nicht mal zum Bett. Pack nicht hin, bleibst zu Haus, ruhst dich aus. Noch keine Ruhe findest du nicht, nur drei Bier, scheiß auf die Schuhe. Keine Arbeit, keine Kohle. Deine Schuhe sind kaputt, kaputt, kaputt, die rechte Sohle. Nichts zu fressen, nicht mal Suppe, ob sie dich noch liebt, wie geil. Une conception cartographique est très distincte de la conception archéologique de la psychanalyse. Celle-ci lie profondément l'inconscient à la mémoire. C'est une conception mémorielle, commémorative ou monumentale qui porte sur des personnes et des objets, les milieux n'étant que des terrains capables de les conserver, de les identifier, de les authentifier. D'un tel point de vue, la superposition des couches est nécessairement traversée d'une flèche qui va de haut en bas et il s'agit toujours de s'enfoncer. Au contraire, les cartes se superposent de telle manière que chacune trouve un remaniement dans la suivante au lieu d'une origine dans les précédentes. D'une carte à l'autre, il ne s'agit pas de la recherche d'une origine, mais d'une évaluation des déplacements. Chaque carte est une redistribution d'impasses et de percées, de seuils et de clôtures qui va nécessairement de bas en haut. Ce n'est pas seulement une inversion de voisine, il faut qu'il dégage sa propre image virtuelle en même temps que celle-ci, comme paysage imaginaire, s'engage dans le réel suivant un circuit où chacun des deux termes poursuit l'autre, s'échange avec l'autre. La vision est faite de ce doublement ou dédoublement, cette coalescence. C'est dans les cristaux d'inconscient que se voient les trajectoires de la libido. Baby. Une conception cartographique est très distincte de la conception archéologique de la psychanalyse. Celle-ci lie profondément l'inconscient à la mémoire. C'est une conception mémorielle, commémorative ou monumentale qui porte sur des personnes et des objets, les milieux n'étant que des terrains capables de les conserver, de les identifier, de les authentifier. D'un tel point de vue, la superposition des couches est nécessairement traversée d'une flèche qui va de haut en bas, et il s'agit toujours de s'enfoncer. Au contraire, les cartes se superposent de telle manière que chacune trouve un remaniement dans la suivante, au lieu d'une origine dans les précédentes. D'une carte à l'autre, il ne s'agit pas de la recherche d'une origine, mais d'une évaluation des déplacements. Chaque carte est une redistribution d'impasses et de percées, de seuils et de clôtures, qui va nécessairement de bas en haut. Ce n'est pas seulement une inversion de sens, mais une différence de nature. L'inconscient n'a plus affaire à des personnes et des objets, mais à des trajets et des devenirs. Ce n'est plus un inconscient de commémoration, mais de mobilisation, dont les objets s'envolent plus qu'ils ne restent enfouis dans la terre. Félix Guattari a bien défini à cet égard une schizoanalyse qui s'oppose à la psychanalyse. Les lapsus, les actes manqués, les symptômes sont comme des oiseaux qui frappent du bec à la fenêtre. Il ne s'agit pas de les interpréter. Il s'agit plutôt de repérer leur trajectoire pour voir s'ils peuvent servir d'indicateurs de nouveaux univers de référence susceptibles d'acquérir une consistance suffisante pour retourner une situation. La tombe du pharaon, avec sa chambre centrale inerte au plus bas de la pyramide, fait place à des modèles plus dynamiques. De la dérive des continents à la migration des peuples, tout ce par quoi l'inconscient cartographie l'univers. Le modèle indien remplace l'égyptien. Le passage des Indiens dans l'épaisseur des rochers mêmes, ou la forme esthétique des rochers mêmes, où la forme esthétique ne se confond plus avec la commémoration d'un départ ou d'une arrivée, mais avec la création de chemins sans mémoire, toute la mémoire du monde restant dans le matériau. Take me at the field.